Je me trouvais sur un arbre, en train de compter les avions qui passaient au-dessus. J'y trouvais peu de satisfaction, vu les autres arbres qui me bouchaient un coin. Alors je regardais en bas pour compter les avions. L'ennui était de plus en plus profond. Une véritable abîme. Des ténèbres du genre fondu au noir. Oui, le Schwartz était maître dans mon sombre esprit nocturne. Je sentais une implosion négative en moi. Une concentration d'absence de couleur ou d'espace. Le trou noir n'est qu'une illusion à côté de mon désert noir. Pas un avion. Une veuve noire tissait sa toile tordue dans mon crâne vide, abrité de la lumière. Pas un bruit. Tout partait à l'intérieur de l'intérieur qui étouffait l'étouffant. Un lucane cerf-volant courait sur l'écorce. Je le croquais cruellement et l'avalais pour qu'il aille dans mon vide de l'âme, à vide de vide invisible. Pas un avion. Ma vue devenait de plus en plus mauvaise au fur et à mesure que mon moi implosait. Cette fois, c'était tout mon corps qui se concentrait de manière dépressive dans du rien du tout. Pas un avion. Fini. Plus rien. J'allais vers un néant nu et noir. Monsieur, réveillez-vous, votre braguette est ouverte. Ah oui. Merci, madame. C'était l'hôtesse de l'air. Voulez-vous un jus de fruits? Des cigarettes? Du papier scotch? Une mygale empaillée? Non, merci. Je viens de me réveiller. Mais où suis-je? Eh bien, dans le vol 747 pour Sydney. Elle partit. Ce rêve m'avait bouleversé. Mon regard fut attiré par le hublot. Pas un nuage, pas une étoile. On aurait dit un enfer sans flamme, un four sans gaz. Un four sans gaz. Il faisait une nuit d'encre. Une vraie nuit Monsieur, réveillez-vous, votre braguette est encore ouverte. Ah oui. Mais où suis-je? Eh bien, dans le vol 747 pour Sydney.